décidé, tous mes soucis s'envoleraient. Si j'osais au moins t'embrasser, ne plus te laisser t'en aller. Se ferait la paix.